attentivement observé, dompté, assoupli, un tel esprit nous amènera les suprêmes richesses. Le terme vijnanam veut dire la conscience qui peut prendre des formes différentes. Lorsque le yogi qui pratique la méditation ressent son expérience du Dhamma comme déplaisante, son moral a tendance à être affecté. Il n'a pas envie de poursuivre sa méditation. Il s'ennuie et la paresse s'installe. Il ne progresse plus beaucoup. Il a l'impression d'avoir fait tant d'efforts depuis si longtemps et il ne se sent pas récompensé. Parfois, ses expériences vont même devenir très déplaisantes. Il va se sentir alors très découragé. Il pense qu'il fait partie de la catégorie des gens pour qui expérimenter le Dhamma dans cette vie est impossible. Il n'atteindra pas son but. L'ennui commence alors à s'installer. Si tel est le cas, le méditant doit alors s'efforcer de contempler les trois Bhojanga Dhamma suivants, et il doit le faire de façon équilibrée. Viriya Sambhojanga, le facteur d'éveil de l'énergie. Piti Sambhojanga, le facteur d'éveil de la joie. Et Dhamma Vichaya Sambhojanga, le facteur d'éveil de l'investigation du Dhamma. La contemplation de ces trois Bhojanga va atténuer son découragement et son observation va s'améliorer. Maxime. Bhavana Chitta, ou plus bas, Viriya, Piti, Dhamma Vi, ces trois Bhojanga doivent être contemplés. Voyons tout d'abord quand et comment contempler Viriya Sambhojanga, le facteur d'éveil de l'énergie. Comment faut-il procéder pour que Viriya Sambhojanga surgissent. Lorsque le moral est au plus bas et que le méditant s'ennuie et se sent frustré, il doit se raisonner de la façon suivante. Ô noble méditant, sache que tu te trouves actuellement dans une époque où l'enseignement du Bouddha est accessible. Tu dois donc travailler avec détermination si tu veux atteindre le noble Dhamma dans cette vie même. Si tu n'atteins pas le noble Dhamma, il est probable que tu reprennes naissance dans des mondes inférieurs et dans ces mondes de souffrance, les gens pleurent de désespoir, de regret et de remords. Tu réaliseras alors un peu tardivement que tu n'as pas fourni assez d'efforts dans ta méditation vipassana lorsque tu te trouvais dans le plan humain, que tu vivais à une époque où l'enseignement du Bouddha était prospère. Tu comprendras alors un peu tardivement, que si tu es obligé d'endurer toutes ces souffrances infernales, c'est parce que tu n'as pas fourni assez d'efforts pour atteindre le but lorsque tu méditais. Si le méditant arrive à visualiser avec précision les souffrances de l'enfer, il va connaître un regain d'énergie. La peur va le pousser à méditer plus sérieusement. Il faut savoir que l'époque actuelle permet de se libérer des apayas, des mondes de souffrance, par la méditation. C'est une chance exceptionnelle de vivre à notre époque, car elle réunit les quatre conditions exceptionnelles. Premièrement, le fait d'être né dans le plan humain. Deuxièmement, le fait d'être en vie et en bonne santé. Troisièmement, le fait de vivre à une époque où la méditation Satipatthana Vipassana est populaire et cette méditation permet de fermer définitivement les portes des mondes inférieurs. Et quatrièmement, le fait de vivre à une époque où l'enseignement du Bouddha est prospère. Selon les paroles mêmes du Bouddha, si ces quatre conditions favorables sont réunies, Et pourvu que le méditant travaille de façon sérieuse, il a toutes les chances de se libérer du cycle des renaissances dans les mondes inférieurs. Si ces quatre conditions favorables sont réunies et que le méditant pratique correctement Satipatthana Vipassana, il est possible pour lui d'échapper à la souffrance intrinsèque aux apayas samsara. C'est pourquoi il est dit: la naissance dans le plan humain est difficile à obtenir. Étant né dans ce plan humain, il est très difficile également de rester en vie. Entrer en contact avec le noble Dhamma et pratiquer Satipatthana Vipassana, la méditation qui permet de fermer à tout jamais les portes des mondes de souffrance, la méditation qui permet d'atteindre Magga et Pala, est très difficile également. Les Bouddhas n'apparaissent que très rarement dans le monde. S'ils disposent donc de ces quatre conditions exceptionnelles, un méditant sérieux a toutes les chances d'atteindre le Nibbana. Mais s'il ne fait pas preuve de courage dans sa pratique, s'il ne médite pas, il est possible qu'au cours de ses existences futures, il se retrouve dans les enfers, et là, il aura des regrets et des remords. Telles sont donc les instructions du Bouddha. Un méditant qui se sent découragé doit donc réfléchir de la façon qui vient d'être décrite. Il arrivera ainsi à changer son état d'esprit. Il est possible qu'il récupère de l'énergie et qu'il recommence à méditer correctement. Les commentateurs expliquent que le méditant dispose en effet de ces conditions favorables qui vont lui permettre de fermer les portes des mondes inférieurs dans cette vie même. Dans le contexte bien concret de notre époque actuelle, ces conditions favorables sont les suivantes. Tout d'abord, être né à notre époque, époque où le Bouddha Sasana est florissant. Deuxièmement, vivre au Myanmar, pays où l'enseignement du Bouddha est largement diffusé. Troisièmement, avoir Kammasakata Samadhitti, la vue juste à propos du Kamma. Quatrièmement, avoir les six organes des sens en bon état de fonctionnement, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher et l'esprit. Tout ceci constitue donc des atouts exceptionnels pour le méditant qui désire fermer les portes des mondes inférieurs, atteindre le noble Dhamma et échapper ainsi aux apayas samsara dans cette vie même. Réunir de telles opportunités est extrêmement rare. Pourquoi serions-nous donc découragés et déprimés? Ces conditions sont présentes. La seule chose que nous devons faire, c'est fournir un puissant effort dans notre méditation. À réfléchir ainsi, le yogi va se sentir encouragé et inspiré. Il est particulièrement recommandé qu'il essaye de visualiser les souffrances qu'il est susceptible d'expérimenter s'il se retrouve dans les mondes de souffrance. Il y a beaucoup d'exemples de personnes qui ont atteint le noble Dhamma parce qu'ils ont contemplé les souffrances inhérentes aux mondes inférieurs. Le Bouddha lui-même n'hésitait pas à expliquer avec beaucoup de détails en quoi consistent les souffrances infernales. Les méditants pouvaient alors imaginer de façon très concrète ce qu'ils allaient éventuellement devoir endurer. Effrayés, ils fournissaient plus d'efforts, arrivaient à surmonter les obstacles mentaux et finalement atteignaient leur but. Le Bouddha se rendit un jour au monastère de Jetta dans le pays de Savatthi. Un moine qui avait réalisé que le samsara est plein de souffrances demanda un jour au Bouddha les instructions pour la méditation. Il se rendit ensuite dans la forêt pour pratiquer. Après 3 mois, il n'avait même pas atteint le samadhi malgré ses efforts. Or, sans samadhi, il ne pouvait pas expérimenter le Dhamma et se sentit donc découragé. Il en conclut qui ne faisait pas partie de la catégorie des gens qui pouvaient atteindre le noble Dhamma dans cette vie même. Il pensa alors qu'il valait mieux pour lui vivre aux côtés du Bouddha, le vénérer, tout en vivant confortablement lui-même. Il retourna donc chez le Bouddha et se contenta de vivre à ses côtés sans pratiquer la méditation. Voyant qu'il ne pratiquait plus, ses compagnons moines lui demandèrent alors quelle en était la raison. Aurait-il déjà atteint le but et réalisé le noble Dhamma? Le moine en question expliqua alors sincèrement les raisons pour lesquelles il ne méditait plus. Ses compagnons lui expliquèrent que quelqu'un qui vit à une époque où l'enseignement du Bouddha est prospère était certain d'atteindre son but pourvu qu'il fournisse l'effort. Ils le persuadèrent d'aller voir le Bouddha, ce qu'il fit. Le Bouddha expliqua alors au moine que s'il ne fournissait pas un effort intense, s'il ne pratiquait pas, en maintenant son esprit dirigé vers l'obtention du noble Dhamma, il pouvait être certain qu'un jour ou l'autre, il reprendrait naissance dans des plans infernaux. Une fois dans ces plans, il regretterait amèrement de ne pas avoir atteint le Dhamma à une époque où il lui était possible de le faire. Il se sentirait comme Seriva, le colporteur. Et le moine raconta alors l'histoire de Seriva. À une époque très reculée, quelques 5 cycles cosmiques avant notre époque, le futur Bouddha Gautama naquit dans une famille de colporteurs. Alors qu'il était en tournée d'affaires, il rencontra un autre colporteur du nom de Seriva. Ce Seriva était très avide de nature. Comme ils se rendaient tous les deux dans la même ville, ils décidèrent de travailler séparément et de ne jamais se retrouver ensemble dans la même rue. Ils avaient emmené avec eux toutes sortes de marchandises, des bijoux, de la vaisselle, etc. Et ils essayaient de vendre ces choses ou bien de les échanger contre quelque autre objet que le client leur aurait proposé. Le colporteur avide sonna à la maison d'une vieille dame et de sa petite fille. Ces gens avaient été très riches du temps où le grand-père vivait encore. Actuellement, ils étaient très pauvres. La petite demoiselle aurait aimé acheter quelques objets et appela le colporteur en lui montrant la seule chose qu'elle aurait pu échanger, un vieux bol rouillé qui traînait là par terre depuis le temps du grand-père. Le colporteur fit une égratignure sur le bol et constata qu'il était en or. Il suffisait de le nettoyer. Mais en fait, il valait bien 100 000 roupies. Voulant profiter de l'ignorance des deux femmes et acquérir le bol à bon marché, il leur dit que ce bol ne valait rien. Il le laissa tomber par terre et quitta la pièce avec l'intention de revenir plus tard. Lorsque le Bodhisattva, le futur Bouddha, arriva dans la rue, les femmes l'appelèrent. Il vit l'égratignure sur le bol et constata également qu'il était en or. Il dit la vérité aux deux femmes, mais comme il n'avait sur lui que 500 roupies en cash et pour un montant de 500 roupies de marchandises, il ne pouvait pas l'acheter. La grand-mère lui dit alors qu'elles accepteraient ce qu'il avait. Il leur donna donc tout ce qu'il avait, sauf l'argent du ticket pour passer de l'autre côté de la rivière et sa balance. Le colporteur avide revint bientôt et expliqua aux femmes qu'après tout, il était d'accord de payer une somme dérisoire pour ce bol. Mais lorsque les femmes lui expliquèrent que l'autre colporteur l'avait acheté, il fut extrêmement déçu car il avait perdu 100 000 roupies et il eut des remords. Ne pouvant pas accepter que l'autre colporteur avait fait l'affaire à sa place, il perdit le contrôle de son esprit. Il abandonna toutes ses marchandises devant l'entrée de la maison et courut avec sa balance, avec l'intention de frapper le bodhisattva. Il atteint l'embarcadère et appela à grands cris le passeur d'eau, lui demandant de le prendre avec eux dans le bateau. Mais le passeur d'eau décida de faire traverser d'abord le bodhisattva. Voyant qu'il criait en vain, le colporteur avide fut victime d'une crise cardiaque et mourut à cet endroit même. Sa rancune à l'égard du bodhisattva était immense. Plus tard, il allait reprendre naissance en tant que Devadatta, le cousin du Bouddha. Et pendant 5 éons, il en voulut au Bouddha. Le Bouddha expliqua donc au moine que s'il ne fournissait pas assez d'efforts dans sa méditation, maintenant qu'il se trouvait à une époque où l'enseignement était accessible, il se sentirait plein de regrets et de remords lorsqu'il se retrouverait dans les enfers. Il prononça alors la stance suivante. À cette époque où mon enseignement, le noble Dhamma, est dispensé, celui qui rate Sotapatimagga, ce bateau capable de vous mener à la destination finale, le désespoir vous accompagnera pendant très longtemps, comme le colporteur Seriva, qui n'a pas saisi la chance au moment où elle s'est présentée, vous regretterez amèrement pendant longtemps. Tout ceci veut dire que lorsque l'on se trouve à une époque où l'enseignement du Bouddha est dispensé, il faut en profiter et s'efforcer de travailler intensivement dans le but d'atteindre au moins Sotapatimagga, ce qui peut être comparé au bateau qui permet de traverser la rivière et d'atteindre l'autre rive, le Nibbana. Si on omet de le faire, vous aurez des regrets infinis dans vos vies futures, et lorsque vous reprendrez naissance dans les mondes inférieurs, vous aurez des regrets et des remords. C'est comme le colporteur Seriva qui eut tant de regrets qu'il en est mort. Le Bouddha donna alors une fois de plus les instructions pour la méditation à ce moine. Celui-ci se mit à travailler intensivement, sa méditation progressa, il atteint Sotapatimagga, Sakatagamimagga, Anagamimagga et Arahatamagga successivement. Vous qui êtes ici, lorsque votre énergie décline, lorsque vous commencez à vous ennuyer, vous devez donc contempler les souffrances des mondes inférieurs. Maxime. La chance s'était présentée, il ne l'a pas saisie. Quelle folie de la part de ce colporteur. Valant 100 000 roupies, le bol en or, il le perdit et connut le désespoir. La chance s'était présentée pour cet homme. C'est lui qui, le premier, avait découvert le bol. S'il avait fait un petit effort et qu'il avait proposé un montant honorable, il aurait pu l'acquérir. Mais son avidité l'a égaré. Il en a eu tant de remords qu'il mourut d'une attaque cardiaque. C'est la même chose pour nous. Nous vivons dans le sasana, l'enseignement du Bouddha. Le sasana, c'est comme le bol de 100 000 roupies. Le sasana est riche des résultats potentiels de Maggadhamma et de Paladhamma. Lorsqu'on se trouve dans une période où le sasana est florissant et que l'on n'atteint pas le premier magga, Sotapatimagga, ce qui peut nous emmener sur l'autre rive, c'est-à-dire au Nibbana, nous expérimenterons le désespoir et la désolation, exactement comme le colporteur. Si nous ne réussissons pas à atteindre ne fût-ce que le premier magga, Nous sommes susceptibles de reprendre naissance dans les mondes inférieurs et d'expérimenter beaucoup de souffrances. Le moine, ayant compris la nécessité de travailler intensivement, se mit à pratiquer énergiquement et il atteint l'état d'arhat. S'il a accès à l'enseignement, celui qui pratique avec courage peut devenir un arhat. Si quelqu'un se trouve donc à une époque où l'enseignement est prospère, et s'il pratique correctement la méditation Satipatthana Vipassana, selon le développement de ses vertus, le méditant peut atteindre le noble Dhamma et devenir éventuellement un arhat. Du temps du Bouddha, il était fréquent que les gens aient des paramis très développés et que leur but dans la méditation était donc de devenir des arhats. Si nous voulons répondre aux souhaits du Bouddha, notre but devrait en fait être l'obtention de l'état d'arhat. Ne viser que le stade de Sotapanna était à l'époque du Bouddha insuffisant. L'état de Sakatagami ou même d'Anagami n'était pas non plus de nature à satisfaire le Bouddha. Il fallait que le méditant vise l'état d'arhat. Mais notre époque est une période de déclin de l'enseignement du Bouddha. Et nous n'avons actuellement qu'un nombre limité de personnes qui désirent devenir des arhats. Mais à notre époque, il y a cependant beaucoup de personnes qui visent l'état de Sotapanna. Il est donc très recommandé de viser cet état, car il est susceptible de fermer définitivement les portes des mondes de souffrance. Les anciens, qui sont pleins d'amour et de compassion, encouragent toujours leurs élèves à fournir plus d'efforts. Ils les presseront toujours de fournir l'effort nécessaire pour atteindre au moins le stade de Sotapanna, stade auquel il leur sera possible d'échapper au danger de renaissance dans les mondes de souffrance. Feu le vénérable Mahasi Sayadaw, chaque fois qu'il rencontrait ses élèves, leur recommandait instamment de pratiquer énergiquement dans le but d'atteindre au moins le stade de Sotapanna. Il leur répétait la maxime suivante: libre du danger des apayas, ce niveau de jnana doit être obtenu à coup sûr. Nous devrions écouter cette recommandation venant d'un maître aussi compassionné. Nous qui nous trouvons dans une ère de Bouddha, qui sommes en vie pour entendre l'enseignement, nous qui sommes nés dans une existence humaine, à une époque où l'enseignement de Satipatthana Vipassana est prospère, nous devrions nous efforcer d'atteindre au moins Sotapatthimagga et Sotapatthipala de façon à fermer définitivement les portes des mondes inférieurs. Si nous écoutons ces recommandations venant d'un maître aussi compassionné, nous en retirerons un grand bénéfice. Mais ne pas écouter ces recommandations, c'est être fou. Nous avons le choix. Personne ne va choisir d'être fou. Nous sommes déjà pleins d'anxiété. Nous ne pouvons donc pas nous permettre d'attendre. Les méditants qui se trouvent ici et qui pratiquent pendant toute la journée du mieux qu'ils peuvent sont en fait très raisonnables. Nous devons donc écouter ces paroles de professeurs compassionnés comme si nous écoutions les paroles du Bouddha lui-même. Il y en a peut-être parmi vous qui ont eu la chance de rencontrer le vénérable Webu Sayadaw du temps de son vivant. Ce Sayadaw était considéré par beaucoup comme étant un arhat. On ne l'a pratiquement jamais vu se comporter sans attention. C'était un homme qui était digne de vénération. Aux élèves qui venaient lui rendre hommage, il ne parlait que de choses qui étaient susceptibles de faire naître en eux le désir pour la méditation. Il n'expliquait même pas le Dhamma. La seule chose qu'il faisait, c'était donner les instructions pour la méditation. Un couple de dévots s'efforçait donc de mettre en application les instructions et travaillait avec courage. Un jour, ce couple se rendit chez Sayadaw. Webu Sayadaw leur demanda où en était leur pratique. Il ne sembla pas très satisfait de la réponse et leur demanda « Quand donc allez-vous utiliser cette énergie que vous semblez avoir mise en réserve ?»« Ne pensez-vous pas que cela ressemblait fort à une invitation à travailler plus sérieusement ?» Le couple fut ravi de sentir que Sayadaw prenait leur pratique tant à cœur. Normalement, les gens ordinaires auraient plutôt été vexés. Vous voyez donc que Webu Sayadaw n'hésitait pas à demander à ses élèves de mettre plus d'énergie dans leur pratique. Voilà comment il faut contempler, dans le but de faire naître Virya Sambojanga, le facteur d'éveil de l'énergie, si l'on veut réaliser des progrès dans la méditation. Ceci termine la première partie de l'enseignement concernant le sixième facteur de renforcement des Indriyas. Demain, je vous parlerai de Piti Sambojanga et de Dhammavicaya Sambojanga. Puissiez-vous tous bien comprendre ce qui a été dit? Puissiez-vous tous pratiquer selon les instructions? Puissiez-vous tous poursuivre votre effort avec aisance et naturel et vous trouver très rapidement en mesure d'expérimenter la fin de toute souffrance, ce Nibbana auquel vous aspirez depuis toujours. Sadhu, sadhu, sadhu.